moi de te dire, viens, moi ce soir j'ai fini. Demain, je m'en vais. Je retourne en Italie, dans ma maison. Et alors, ça a l'air d'être comme ça. Alors viens, on dit aux gens, allez viens, puis tu vois, on s'en fout. Hein. Mais là, il y a peut-être un moyen, c'est pas sûr, mais je t'apprendrai. Il y a peut-être un moyen pour que tu viennes avec moi dans un pays fantastique. Absolument méconnu. Il est connu actuellement par moi, comme ça. Je le dis pas. Je le dis qu'aux gens qui viennent m'écouter chanter. Et alors, là-bas, ce soir, quand tu partiras, quand tu rentreras chez toi, quand tu auras fini avec toutes tes manies, s'il y a des manies, essaye de les supprimer, mais enfin, des fois, les manies, c'est très long à supprimer. On met un peu son temps, quoi. Quand on aura fini avec ta dernière cigarette, avec ton chat, si t'as un chat, quoi. Avec ta femme, si t'as une femme, avec sa chatte, si elle a une chatte. Quand on aura fini avec tes mômes, avec tout. Quand tu plongeras dans cette mort figurée qui est le sommeil. N'oublie pas, tu es né tout seul, tu meurs tout seul entre les deux. Et il y a des faits divers. Des faits divers que je te souhaite de choisir, parce que la plupart du temps, ces faits divers, ils te sont imposés. Alors, fais tout ce que tu peux pour garder tes faits divers à toi. De toute façon, tu meurs tout seul, tu nais tout seul, tu meurs tout seul. Entre les deux dates, je disais, il y avait des faits divers. Alors, quand tu as éteint ta lampe, t'es vraiment seul, hein, t'es vraiment seul. Et alors, à ce moment-là, t'appuies sur tes paupières, comme ça, et puis, tu verras, au bout de 10 secondes, tu as dû le faire quand tu étais petit, on te l'a fait faire ça. Il y a des couleurs, tu lâches ta main, il y a des couleurs qui t'apparaissent. Fantastique, et puis, c'est pas celle-là. Il faudra les regarder, mais avec une autre couleur que tu ajouteras, pas n'importe laquelle, du mauve. Non pas comme le mauve des lilas, non. Non pas comme le mauve de la glycine, même le mauve de la bruyère, même quand elle est d'Apollinaire. Non, le mauve qui se trouve derrière les yeux de ton camarade, le mauve qui se trouve derrière les yeux de ta camarade, à l'instant, à l'éternité de l'instant de l'amour. Ah, si tu connais pas, tu viens aussi avec moi, je t'apprendrai. C'est fantastique, ça. Les hommes mesurent le temps. La seconde, le dixième de seconde, le centième de seconde, le millième de seconde, le dix millième de seconde, le cent millième de seconde, le millième de seconde, le dix millionième de seconde. Dans 3-4 ans, il paraît une sorte de, comment on dit ça, de computer, n'est-ce pas, qui va mesurer le milliardième de seconde. Je sais pas comment ils font, mais alors là, c'est extraordinaire. Hein. Parce que dans une seconde, il y a 1 000 milliards. Il y a 1 milliard de milliardièmes, forcément, quoi. 100 milliardièmes. 200 milliardièmes. 600 milliardièmes. Et ça n'en finit plus. En Sicile, on a découvert, il y a pas longtemps, la preuve qu'il y avait des hommes debout déjà, il y a 3 500 000 ans. Hein. Et bien, si parmi ces hommes, il y avait eu une sorte de génération qui s'emmerdait dans la nature comme ça, et puis qui s'est dit, je vais compter la seconde, je vais aller de la première seconde à la seconde, hein. Bon, il aurait commencé, et ben ce soir il serait là avec moi, hein, parce que évidemment il m'aurait connu depuis, hein, forcément, quoi. Et alors il serait là à compter, il n'aurait pas fini. Et les hommes mesurent le temps, tu rigoles, non? Pff, ça me débecte, ça. Ça me débecte vraiment. Et alors, quand j'étais petit, en 1900, je vais trop vite là, parce que il y a le mauve. Oui, quand tu as trouvé ce mauve là, tu verras Léo avec toi, et on partira là-bas. Ah, là-bas, c'est magique, c'est extraordinaire. C'est, comment dire, c'est les larmes. Les larmes, c'est beau. La musique, c'est les larmes. Puis, il n'y a pas de sexe, c'est autre chose. Il n'y a pas de sexe. Enfin. Hein? Et pourtant. Et là-bas, quand tu auras trouvé ce move, t'entendras une voix qui te parlera comme ça. Après, je vais te traduire, je vais essayer de le faire. C'est pas facile. Écoute bien. Écoute bien. Léo. Léo. Ah ouais. Je vais essayer de traduire. Ils ont eu beaucoup de mal à apprendre à dire mon nom, mais ils ont insisté. Alors, je leur ai appris. Mais ça a mis, oh là là, je sais pas, ça a dû mettre quelque chose comme 1 million d'années, hein, pour que je leur apprenne à dire ça. Parce que leur langue à eux, hein, c'est fantastique. Hein. Moi, j'essaie de. Moi, ils me l'ont appris parce que. Parce qu'ils m'ont dit, Léo, t'es doué, alors on t'apprend la langue, et tout de suite je l'ai su. Alors j'ai tout de suite, j'ai fait ça. Tu vois, moi, je te traduis maintenant. Là-bas, là-bas, quand tu viendras avec Léo, tu trouveras un crépuscule, tout déshabillé, et vous l'habillerez avec le mauve de derrière les yeux de ton camarade, le mauve de derrière les yeux de ta camarade. Eh oui. Et puis, tu trouveras le crépuscule habillé comme ça, qui vous prendra par le bras. Et par les épaules, et puis en bas il y aura le soleil, qui sera un peu comme ça, un peu jaloux comme ça, le soleil qui vous dira, ah, vous savez, mes chers amis, demain matin je me lève à l'ouest, parce que l'ouest, hein, c'est comme l'est. Et où irai-je? Je vous le donne en 1000, en 10 000, en 100 000 si vous voulez. Je m'éteindrai, je m'éclairerai à vous. Ce jour-là le soleil est devenu beaucoup moins con. Et alors voilà. Et puis là-bas, le cheval de mon enfance. Mon grand-père était cocher de fiacre à Nice, dans les Alpes-Maritimes. C'est mon père qui me l'a dit parce que, évidemment, il était mort très jeune, mon grand-père. Et alors moi, j'ai toujours regardé les chevaux avec affection. Quand je vois le cheval dans la rue, je pense aussi à Nietzsche, à Turin, qui avait vu un cocher, c'était pas mon grand-père celui-là, hein, qui battait son cheval de fiacre, et Nietzsche, il est allé se pendre au cou du cheval pour l'embrasser. C'est fantastique, ça. Si vous ne savez pas, je vous l'apprends. C'est terrible, ça. Et il est devenu fou. Il n'y a que les fous qui empêchent qu'on batte les chevaux, alors. C'est terrible. Et alors, ce cheval, je lui parlais quand je le rencontrais à Monaco. C'était un cheval qui n'était pas bête du tout. Il m'avait compris tout de suite. Je le regardais. Quand je passais, il y avait un cheval de pâle. Quand je passais, je le regardais. Je le regardais. Il me dit, alors, Léo, alors, ça va? J'ai dit, je peux venir avec toi? T'es pas con, non? Moi, je suis bien comme ça, hein? Voilà. Moi, je suis bien comme ça. Puis, hein, fais gaffe, Léo, hein? Les hommes, c'est pas du tout cuit, hein? Je le sais, moi. Alors, j'ai toujours aimé les chevaux. Eh oui. Alors, en 1925, quand... J'avais 9 ans. Oui, parce que j'en vois la couleur maintenant, je dis mon âge, parce que... C'est... Faut bien qu'on me trouve un défaut. Alors, on a trouvé ça. Alors, moi, je le dis. Je suis né le 24 août 1916, à 4 heures de l'après-midi. Ma maman avait été accouchée par une sage-femme qui s'appelait Madame Rigoni. Et quand j'avais 4 ans, ma mère m'a dit, tu vois... Ça, c'est Madame Rigoni. C'est elle qui est venue prendre le chou. Oui. J'ai pas dit à ma mère, même à cette époque-là, qu'elle me faisait rigoler, parce que moi, je sais que c'était pas le chou. Parce que je voyais dans la rue, je savais tout. Hein. Alors, j'ai rien dit par respect pour elle. Hein. Et alors, elle me dit comme ça. Alors, je dis comme ça, moi, que je suis né le 24 août 1916. Ça fait que maintenant, si vous faites le calcul, je l'ai fait l'autre jour, j'ai 67 ans, 7 mois et des poussières. Ça fait que le... Oui, oui, eh oui, c'est ça, mais il faut le dire, parce que... Comme ça, on m'emmerdera plus, non? Ah là là, là. Eh là. Il y a des journalistes très gentils et des copains à moi. Ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Il y en a de très gentils, c'est vrai. Je le dis parce qu'il y a des types très bien. Il y a des journalistes qui ne sont pas comme ça. Alors, j'en ai rencontré un en fin septembre 1981, quand il m'a vu, il m'a dit « Alors, Ferré, on vieillit ?» Alors j'ai fait ça. Et j'attendais qu'il me parle. Forcément, il allait me parler. Hein ? Ce qui n'a pas manqué de faire. Alors il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit « Je compte les secondes pendant lesquelles vous vieillissez aussi, monsieur. » C'est quelqu'un. Voilà. À propos de journaliste, je vous raconte une histoire parce qu'elle est extraordinaire et que les gens ne la connaissent pas. Rému, l'acteur de cinéma que vous connaissez, qui est mort en 1946, il avait toujours, c'était un petit peu pas mal comme ça, il avait toujours, je dis, un sourire mi-figue, mi-raisin, mi-Champs-Élysées, mi-Aubervilliers, comme ça. Il était comme ça. On ne savait pas s'il souriait. Des fois, il souriait là, des fois, il souriait là. Hein? C'était un type pas mal. Et un jour, il avait joué le bourgeois gentilhomme et le malade imaginaire à la Comédie Française. Bon, quand c'est un peu avant de mourir. Et il y a un journaliste d'un journal qui... Attendez voir. Je ne me souviens jamais de ce journal quand je parle seul, mais après, ça me revient. Ce journal, il s'appelait... Il y avait deux mots dedans, parce qu'ils étaient en train de changer de nom, parce qu'ils n'avaient plus le droit de s'appeler comme avant, etc. Il s'appelait... il y avait le mot « soir », de toute façon, dedans, hein. En deuxième partie, il y avait le mot soir. Et alors, après, ça me reviendra. Alors, Rému a fait demander par son secrétaire d'être reçu par le journaliste en question, qu'il avait étendu comme une vieille banane, quoi. Hein. C'est terrible, quoi. Et alors, le journaliste, évidemment, l'a reçu, quoi. Il est arrivé à France Soir ou Paris Soir, je ne sais pas, c'est un des, comme ça. C'est toujours la même maison, d'ailleurs. Et alors, le même immeuble, je veux dire, quoi. Et alors, Rému, il est allé, à 11h du matin, quoi. Il a été reçu par ce journaliste qui l'a fait rentrer, qui l'a fait asseoir en face de lui, et voilà. Et il ne parlait pas. Et le journaliste, il ne savait pas ce qu'il fallait dire. Il s'est dit, il va falloir que j'explique le coup de la Comédie Française. Ouais. À un moment donné, il dit, alors vous êtes venu peut-être pour me parler de votre prochain film, peut-être que vous allez tourner dans un studio près de Paris, ou bien un extérieur, et quel metteur en scène, mais quel sujet, peut-être que vous allez... Et l'autre, toujours mi-figue, mi-raisin, hein, mi-croissant, mi-machin, quoi, mi-orange, oui. Alors, l'orange, des fois, elle était acide, le croissant, il était pas mal. Et il parlait pas. Et alors l'autre, il finissait par... À un moment, il a allumé une cigarette et puis il ne savait plus quoi dire, s'il voulait parler, s'il ne voulait pas parler, s'il voulait dire quelque chose. Et à un moment, Rému, au bout d'une demi-heure, il a vérifié avec sa montre. Il s'est levé. Il a dit « Au revoir, monsieur. J'étais venu vous voir travailler. » Ma maman m'a amené à la gare de Monte-Carlo, donc en 1925, c'est pour ça que je vous ai parlé de 1925, c'est pour ça que je vous ai dit l'histoire de mon âge, que j'avais 9 ans, comme ça c'est beaucoup plus vite fait. Hein. Et alors elle m'a amené à la gare de Monte-Carlo, et elle m'a dit, oui, je vais plus vous dire que quand j'étais petit, à l'âge de 4 ans déjà, ma mère me l'a dit quand j'avais 8-10 ans, elle me dit, tu sais, tu regardais toujours les femmes. Je dis, ben je regarde tout quoi. Elle me dit, non, là tu regardais les femmes comme ça, avec des yeux qui n'étaient pas les yeux d'un enfant. Moi, j'ai toujours regardé les femmes. Toujours. Encore, hein. Bon. Et ce qui m'intéressait, c'est que ma mère m'a dit, elle m'a dit, tu sais, tu regardais aussi les religieuses. Ah, j'ai dit, oui, maman. Et elle m'a dit, pourquoi? Et parce que, tu comprends, cette espèce de houppelande qui traînait par terre, comme ça. Et alors, j'avais envie d'aller voir un peu comme ça. Hein? Elle m'a regardé avec les gros yeux. Et je dois dire que, aujourd'hui encore, mais enfin, c'est difficile. Hein? Et oui, et alors? Et alors? Je pense à la religieuse, mais ça, j'oublie tout alors. Quand on est arrivé à la gare, ma mère dit, voilà, monsieur. Non! Alors, qu'est-ce que je vois là? Un mec? Parce que moi, dans la rue, je regardais les femmes et pas les hommes. Et là, j'ai vu un homme avec une robe qui avait dû être noir. Je ne sais pas comment elle était un peu... Il y avait de tout dedans, quoi. Tout du jaune, du machin, violet, mais pas l'autre violet, hein. Et puis, avec un rabat qui avait dû être blanc aussi. Alors là, il n'y a pas de problème. Pour voir s'il était blanc, il fallait vraiment chercher. Hein. Il fallait aller comme ça. Moi, je n'osais pas parce qu'il y avait toutes des dégueulasseries dessus, de petites merdes et tout ça. Et alors, j'ai regardé ce type, j'ai regardé ma mère. Et je me suis dit, mais c'est un homme qui a une robe. Oh, comment ça se fait ça? Et ma mère lui dit, voilà, monsieur. Non, madame! Cher frère! Si t'as jamais vu le frère des écoles chrétiennes, même dans un bocal, il faut y aller, il faut les voir. Hein. Ça vaut le coup, hein. Crois-moi, hein. Ça vaut le coup. Et alors, ma mère me dit non, madame, cher frère. Elle m'a dit, voilà, cher frère, je vous apporte Léo Ferré. Non, madame. Ma mère me regarde, je la regarde, elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Léo 38. J'ai mis un peu de temps à comprendre. Pendant 8 ans, je me suis appelé 38. Au début, ça faisait drôle. Et après, je me suis fait, parce que il y avait élevé les autres. Il y en a un qui s'appelait 17, l'autre qui s'appelait 22. Il y en a un qui s'appelait 177. Et puis, il y en a un qui est... Pourtant, il était con, hein, qui avait poussé la pression jusqu'à s'appeler 68. Ah! Et alors là, voilà, on était en prison. Les enfants en prison, ils ne savent pas qu'ils sont en prison. Les hommes qui sont dans les prisons des hommes, ils savent pourquoi d'abord, la plupart du temps. Puis ils peuvent, comme je dis, cracher mentalement à la gueule de ceux qui les ont mis, de ceux qui les maintiennent, hein, n'est-ce pas? Tandis qu'un enfant, il ne sait pas. Non pas parce qu'il n'a pas de salive, il en a, hein. Mais il n'y pense pas, parce qu'il ne croit pas qu'il est en prison. Il souffre sans savoir que c'est une prison. Moi, il y avait des murs de 2,50 m ou 3 m, je ne me souviens pas, en pierre. Et je n'ai pas le souvenir d'un copain qui était faire le mur, quoi. Une fois, j'ai essayé de faire le mur, moi, par le portail. Alors, ils m'ont pris tout de suite, quoi. Mais vous savez pourquoi? Les enfants, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. En tout cas, quand j'étais petit, moi. Quand j'étais petit. Les enfants, malgré un livre où j'avais lu, quand j'avais 12-13 ans, un livre où le titre disait que les enfants étaient des philosophes et des poètes. Les enfants, vous savez ce que c'est les enfants? Le drame des enfants, c'est qu'ils sont des enfants. Souviens-toi des souliers usés, des vendredis et le poisson qui se rendait sur la table à midi, qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli, frais ou pas le maquereau, faut sa face des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mer la rousse et le frangin à rabat comme un flic à tes trousses et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est paradis d'enduit cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson des rues. L'enfance, l'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça passé. l'enfance. Souviens-toi des frangines qu'avaient même pas 10 piges. Dans la nuit retrouvée, on jouait à se faire la pige, même qu'elles étaient girondes, avec leurs yeux barrés, juste en dessous comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors et ce halètement divin. Je l'entends encore depuis la nuit fidèle à me raconter tout ça et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons, c'est le remords de la raison, c'est la folie aussi. L'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit. L'enfance, c'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté. L'enfance, l'enfance, c'est jour après jour quitter l'ombre et vers la proie et vers le nombre. C'est apprendre à frapper. L'enfance, souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Je suis venu en courant parce que j'allais oublier ou dire quelque chose. Dans ce pays là-bas, il n'y a pas de chef. Civil. Le code civil, tu connais. Nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocratie. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge. Par manque de lucidité, la lucidité se tient dans mon froc. Comment ça va, mes amis? Où êtes-vous, mes amis, devenus? Avez-vous tourné le coin de la rue sans vous faire frapper? Normalement, on ne devrait pas se faire frapper sur le coin de la rue. Puisque nous sommes sur le trottoir, à part quelques imbéciles à vélo, on va les nommer Sylvie Turgeon, Gaétane Brisebois, Lucien Lemieux, Gaétane la majorette masquée. On comprend pourquoi elle se masque. Oh non, elle est très jolie, oui, oui. Son enfance s'est bien passée, pas trop de pustules. Mais tout ça lui a éclaté à l'intérieur du crâne. Elle est devenue complètement cinglée. Elle est anarchiste penchant extrémiste, comme tous les anarchistes. C'est pour ça que c'est mon ami. J'espère que ça va bien, toi, mon ami. Ta-la-la-la-la-la-la. Ta-la-la-la-la-la. Et fin du mois. Fin, mais au début du mois. Est-ce la fin ou le début? Stop! Oh, encore. J'ai 15 ans. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? 28 août, 28. Fin du mois, 28 août. Sommes-nous prêts? Mes chers frères, en cette belle nuit, si vous regardez à l'extérieur, ne craignez rien. Il fait noir en gériboire. Mais moi, qui prie pour vous, peuple, en des confitures aux fraises, avec bien du sucre et de la pectine. Comment ça que mettre plus de pectine dans un pot de confiture aux fraises? Et moi, je veux ça comme dans le temps, avec toute la cochonnerie qu'il y avait à l'époque. Ça m'a fait pas. Non, j'ai pas. Il n'y a pas un troisième bras qui m'a poussé dans le front. Moi. Je veux retrouver le goût de naguère. Pas de la guerre, imbécile, de naguère. Regarde-moi l'autre, là, qui. T'as misère à suivre, là? Ouvre ton son, notre voleur, monte ton son, nos voleurs. Et monsieur, il est parti. La fève en l'air et la fauve aux dents. Bientôt le mois de septembre. Hey, je m'y prépare depuis 20 ans au mois de septembre, moi. Alors, ça fait 20 années que je la regarde vivre au tuyau de mon existence. Parce que la vie, c'est un tuyau. Si tu le savais pas, là, je tiens à te l'apprendre maintenant parce que c'est le temps que tu te mettes sur le diapason là, du vinyle. Hein? Il y a des sillons. La vie est dans un tuyau. Il y en a qui cherchent la sortie avant le temps. Il y a celui qui a inventé le tuyau qui le coupe pour certains avant le temps. De temps en temps, moi, j'ai les bleus. De temps en temps, moi, j'ai les bleus. De temps en temps, moi, j'ai les bleus. Les bleus turquoise. Hey, Angèle Arsenault est partie. Personne n'en a parlé aussi peu. Hein, ça fait presque un an. Les yeux de l'amour. Les yeux tout le tour. De temps en temps, pas si mal. De temps en temps, moi, je connais qui ont les bleus tout le temps. Mais... Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire plein d'affaires. Hein? Les coins de rue, les imbéciles qui roulent en vélo sur les trottoirs. Ou aussi, ça, là, c'est une punition à l'oreille du bois. Même Gaétan Brisebois me l'a même affirmé, lui qui se lance en avocaterie, en avocateur, en évocateur. Il veut évoquer les lois, mais pour les rendre accessibles au peuple. La majorité du peuple aujourd'hui, là, ben je sais qu'on va me dire, ouais, mais dans le temps, le monde, hein, commençait à travailler de bonne heure, ça se couchait de bonne heure, ça mourait de bonne heure, ça faisait des enfants de bonne heure, puis il n'y en avait pas de bonheur là-dedans, là. Ah, mon Dieu, on cherchait le bonheur. Et s'il vous plaît. Certains le trouvaient dans la danse, je trouvais un petit peu de bonheur là-dedans, mais à peine. Puis après ça, ben, quand tu vas danser, c'est le soir, surtout moi, je suis un danseur né. J'ai le corps qui exprime c'est un sport. Est-ce que c'est un loisir? Ça, c'est affirmatif. Mais ça peut être un sport pour les professionnels, là, le rock and roll stone ou les rolling stone. C'est quoi, non? La danse des canards. Ça fait-tu partie des Jeux olympiques, la danse des canards, Gaétan? Toi qui connais tout. Mon Dieu, elle a la tête comme l'autruche. Voyons, montre-moi. En plus, c'est pas vrai. Hein? C'est faux. L'autruche n'a jamais eu la tête dans le sable. On l'a décapité, on l'a colifié là-dedans, puis on a dit on va partir une belle histoire là-dedans, une légende bedaine. Puis là, c'est plus le temps de se mettre au toit à bedaine. Fin septembre, on attend sur l'été indien. L'été indien, c'est quoi, fin septembre, début octobre? Que le temps passe vite. Hier, encore petite, je n'étais pas si grand. Et puis, donc, c'est ça, les gens qui sont sur des pistes cyclables, là, ça ferme bientôt, les pistes cyclables, là, pour les imbéciles en vélo qui font le sens contraire. Il y a des... Écoute bien, toi. pas compliqué, là. Quand tu roules en vélo, regarde les flèches. Pas les Indiens qui ont placé ça là. C'est des gens de la ville de Québec. C'est pour les imbéciles comme toi, qui c'est pas, hein, ça monte-tu, ça descend-tu. Puis là, va pas à l'encontre, parce que moi, quand je suis en scooter, puis que je te vois le cave, là, qui arrive vers moi, j'ai juste le goût de t'écraser. J'en ai juste tué 53 cet été. Mais l'année prochaine, je me lance une belle centaine. Je prends des photos avant, là. T'as la frayeur dans le visage. Le gars, la fille, c'est des enfants. Là, je me dis, ça commence jeune, l'imbécilité. Hein? C'est dès la naissance, quand ton père et ta mère n'ont pas de conscience intellectuelle, n'ont pas vraiment de ressenti, n'ont pas d'éthique. Ils n'ont pas eu le cours là, en philosophie, au cégep, éthique et politique. Ils l'ont pas eu, ça. Commencé à travailler à 2 ans, ouais, bon, je chiais de la gomme pour mon beau-père qui, lui, plaçait des affiches, puis il prenait ma gomme pour coller les affiches. Et ça me donnait 3 tapes à la gueule par semaine. Ah, mon Dieu, je me suis monté un beau dentier avec ça. Ah, mon Dieu. Tu nous affirmes autre chose. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourquoi tu te caches derrière ces... Non, arrête donc. J'avais 19 ans. Oui, c'est vrai. Ah oui. C'est pas une fautive. La fautive, c'est toi, si c'est dans ce mur. Et puis, le temps passe. Le temps tellement nous glisse entre les mains, un peu comme du beurre ou du babeurre. Même les heures, on est incapable. Avez-vous essayé ça à la maison, là? Pendant vos vacances d'été ou d'hiver, quand vous les prendrez l'année prochaine, allez-vous, ou avez-vous, ou voulez-vous un jour essayer, vas-tu le dire, oui, essayer de prendre le temps. Ah, je prends le temps, là. Je prends le temps de t'appeler, là. Prendre le temps. Moi, je le vois passer, puis je cours tout le temps, puis je suis jamais capable de prendre le temps qui vient de pas, qui n'est plus là. Puis celui qui est là est déjà plus là. Celui de l'instant même, là, il n'est plus là. C'est quand même intriguant et difficile à vivre, ces affaires-là, moi. Là. Ça me palpite le tuyau. Ça fait 53 ans que je dis à ma Gertrude, « Ma Gertrude, je t'aime, mais je vais prendre le temps de te le dire à un moment donné. » Mais ça, c'est pas si long que ça, là. Hein? Quand tu laves le plancher, tu dis « Ah, je t'aime, ma Gertrude. » Tu frottes, tu dis « Ah, je t'aime, ma Gertrude. » Puis là, à un moment donné, le plancher commence à prendre ça, à prendre goût, là. « Ah, oh, merci de m'avoir trouvé un prénom, Gertrude. » Non, c'est pas à toi je parle, plancher, là. C'est à ma femme. Elle s'appelle Gertrude. Toi, t'es juste du simili-bois. Elle, c'est ma simili-épouse. Puis là, on vit le pire. Tu sais, quand on dit pour le meilleur, maintenant, c'est le pire. Ça fait 22 ans que c'est le pire. Là. Ah! Les enfants sont partis. En fait, ils ne reviendront plus parce que ce qu'ils cherchent, eux, aujourd'hui à leur âge, en 2015, c'est le bonheur. On sait que le bonheur, c'est pas chez les vieux. Là. Les vieux se souviennent plus là, de leur prénom, de leur nom, de leur vie. C'est terminé. Là. Alors, faut voir peut-être dans l'histoire, dans le passé du Québec. Qu'est-ce qui s'est passé, là, tes espoirs? Ah, oh, il s'est pas... Hein, non, il se déroule... Oui, entièrement raison, madame. Oui, ça... Allô? Il y a comme un subrepticement. Ben oui, c'est ça. Oui, OK. Laurence Renadienne. Complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Comme le mentionnait Jim Morrison, mon ami Jim Morrison, celui qui faisait « Ça va, Jim? Tout va bien? » Oui, Jim Morrison. Laurence Renadienne. Ça va bien, mon Dieu? Parti. Errance Renard, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, la dame la plus troublante de la littérature contemporaine, à mon avis, avec Marguerite Duras. Virginia Woolf, Marguerite Duras. En rencontre. Nous avons ce soir la grande romancière française, Marguerite Duras. Bonjour, Marguerite. Oh. Et nous avons, à côté d'elle, la grande dramaturge, Virginia Woolf. Bonjour, Virginia. Aouh. Quelle belle rencontre. On l'a pas, hein? On l'a vécu à soir, là. On l'a vécu en ce beau 20 années, 1853, à Matane, Godbout. Non, Agathe, à Matane. Regarde la matante, Ah, mon Dieu. Le 28 août, ça s'est passé là, là. Quand Marguerite Duras a zioté Virginia Woolf. Vous l'avez-vous entendu, Virginia Woolf? Oh, c'est beau! C'est de la grande rencontre littéraire. Bernard Pivot, rhabille-toi et saute dans ton pantalon. Ben, mais s'il se rhabille, il est déjà dans son plan. Non, qui met deux paires de pantalons, là, puis qui quitte sur le champ. Hey, j'ai jamais entendu ça, moi, sur le même plateau. On appelle ça un plateau. Sur le même plateau radiophonique. Studio, parce que ici, c'est des studios. À la télévision, c'est des plateaux. Comme au théâtre. Au théâtre, c'est les planches. Tu mêles, hein? Les planches pour le théâtre. Studio pour la radio. Et puis là, c'était quoi? Non, pour le... C'est ça. Et puis Marguerite Duras et Virginia Woolf se sont rencontrés ce soir. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, madame les voluptés, Virginia... Oh! Quel beau message. Avez-vous un message de liberté à offrir à votre à vos lecteurs? On est en plein dedans, en plus. On est au mois. Merveilleux. Bravo, madame. On vous embrasse. Bienvenue à l'émission l'émission la plus avariée. Ah, mon Dieu. Ouais. Ça commence à virer sur le violet. Vert violet. Ah... c'est dur sur sur l'estimation de soi. Ah, mon Dieu Seigneur. Alors, bienvenue à Facebook, ça, vous le savez, c'est merveilleux, on aime ça. L'absurde aussi. Aujourd'hui, le vendredi 16 octobre 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la comédienne extraordinaire qui m'a vraiment impressionné, Marido Fréval. Comédienne qui a joué en italien, en espagnol, en anglais et bientôt en québécois. Elle va reprendre quelques pièces de Michel Tremblay comme « Bonjour, la bonjour ». Et puis par la suite, « Les belles-sœurs ». « Attends-moi pas, je suis pas là ». Non, c'est « Montréal matin, attends-toi pas que Montréal va venir à toi ». Et puis non, surtout « Québec est là et Montréal va-t'en ». Québec est là, Montréal, va-t'en. Et puis donc en anglais et bientôt en dialecte québécois, elle s'est mise au trapèze avec les Noctambules sur Roller pour les anticlimats avec W. Schwab à la MC 93 et elle a interprété des auteurs contemporains comme Minayana, Turini, Charneux, Crocs, Calbrou... Excusez-moi de tout massacrer, bien sûr, celui que je connais davantage, qui est Pedrero. Metteur en scène et auteur, elle cherche et provoque depuis 2001 la rencontre entre écriture théâtrale et sujet d'actualité. Elle a créé en 2003 la troupe du Cabaret Feuilleton qui réunit auteurs, chanteurs, comédiens, musiciens et vidéastes avec cette troupe implantée dans le 14e arrondissement à Paris. Elle réalise chaque année en salle et en rue des spectacles à partir de la vie des habitants, rue du départ, Cité Paradis et Gargare. Elle privilégie la relation avec les artistes engagés. En juillet 2015, CKRL et aussi et surtout Érance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette femme des plus humanistes, attachantes et anarchistes que je connaisse. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter, nous envoûter? Pourquoi pas? Alors, bonne émission. Well, I'm just out of school, like I'm real, real cool. Got a dance on my mood, but the message that I gotta be a wild one. Ooh yeah, I'm a wild one. Got a breaking news, gonna keep it moving wild. Gonna keep you swinging, baby, I'm a new wild child. Ow! Yeah. Well, I'm a new wild one, and I like a wild one. In the world gone crazy, everything seems hazy. I'm a wild one. Pas loin de la folie lorsque que tu joues et que tu présentes tes trucs. Les gens qui ne savent pas, par exemple, que je suis artiste, qui n'arrivent pas à nommer ça, se posent quand même beaucoup de questions, se demandent ce qui est dit, ce qui est représenté, tu vois. Il y a des quartiers comme ça de la ville, hein, justement, tu sais, comme je suis très lié à la ville, qui ont du mal à comprendre ce qui se passe, tu vois. Et ça vient certaines personnes. Par manque de culture de la représentation, je pense. Qui est représenté aujourd'hui, par exemple, représenté est quelque chose qui n'existe plus comme possibilité pour les gens. Surtout que tout est formaté, donc lorsque tu sors du format, tu es... Voilà, et puis c'est leur personne, comme si le champ de la personne avait raison. Tu sais, je dis quelque chose, pas besoin de réponse aujourd'hui, tu sais. Non. Allez, débrouille-toi avec... C'est incroyable. Or que donc ça veut dire que rien ne prend une forme extérieure à soi. Si on est dans sa tête, on peut. Il n'y a aucun questionnement. Voilà, exactement. Donc si tu veux, du coup, quelque chose qui se passe, qui déstabilise cette personne-là, qui elle commence à être un petit peu dans sa tête, ben, c'est beaucoup plus choc encore qu'avant. Donc, c'est là où je continue de penser donc, que le théâtre est important. Et ton. Si tu veux, oh, oui, mais c'est très important parce que c'est en plus c'est source de vie, c'est ce qui nous arrive à. C'est ce qui amène à nous exprimer autrement. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et as-tu des tentations de te lancer dans la chansonnette, dans la chanson? Tu parlais de Au pas camarade. Bah, dans ce type de mode-là, si tu veux, qui est un mode un peu décalé. Ludique aussi. Hein? C'est très ludique. Oui, très ludique. Oui. Ah oui. Mais moi, je pense que ça fait un bout de temps que je me dis que la chanson me permet de désamorcer une fausse dramaturgie. C'est une ventilation. Tu vois, quelque chose qui d'un coup se met à être plus dans l'air, comme avec la nature. Tu c'est vois, de parce l'oxygène que tu donnes. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la nature qui réapparaît avec la chanson, pour moi. Comme un paysage de nature, or que la parole, elle est très sur l'humain. Oui, c'est ça, voilà. Exact. Tu soupoudres. C'est comme si tu amenais un peu un jet d'eau pour rafraîchir. Voilà, exact. C'est de cet ordre-là, ouais. C'est un peu physique, là aussi, tu vois. Mais comme je disais tout à l'heure, toi, tu travailles dans le physique. Tu as vraiment une mission de rentrer dedans. De... oui, c'est ça. Je pense, oui. Tu ne veux pas laisser les gens inertes. Non. Même les gens peuvent avoir peur. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont peur de moi, oui. Et c'est ça que je te disais aussi. Là. C'est incroyable, quoi. Ils voient en toi peut-être une sorte de folie. Donc, ils ne savent pas bien... Jauger. Oui, évaluer non plus parfois, tu vois, ouais. Et ton travail depuis le début jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu vois un fil conducteur? Est-ce que tu vois une signature, une structure, une évolution, pas évolution, mais une signature? Ce que j'arrive à penser, c'est que je pense que je cherche une forme de rituel, si tu veux. Ok. Voilà. Je pense que c'est ça qui m'intéresse. Une transe? Rituel transe ou... Ritualiser un acte. L'acte théâtral. Voilà. Donc, tout tourne autour de ça. D'une façon ou d'une autre, il faut ou inventer d'autres rituels, ou au contraire, minimaliser le rituel. Mais il faut que quelque chose soit cadré. Je pense que je travaille sur ça, vraiment. Donc, il y a des fois, je travaille sur les propres cérémonies dont on a besoin pour vivre, ou les passages. Tu vois, je travaillais sur... tu sais, j'ai pris mon propre enterrement, par exemple. Ça m'est venu comme un... Récemment? Pendant 3 ans, j'avais ça dans la tête. Et quand j'en parlais aux gens, « Oh, Marido, mais quelle idée !» Je dis, « Mais si, je t'assure !» Et donc, 3 ans, parce que tout le monde autour de moi me dise que ce n'était pas du tout un sujet intéressant, et que j'avais quand même d'autres choses dans ma tête. Et bon, il fallait que je fasse ça, moi. Et ça donc, psychanalyse un peu ta mort à toi? Non, c'est... Non, ça, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas s'il y a un rapport. Si tu veux, c'est que je voulais faire se rencontrer la morte et la vivante, moi. C'est ça. Mais la tienne. Donc, te préparer. Point à la ligne. Ok, on va pas plus loin, c'est juste ça. C'est juste ça. Les deux devaient pouvoir parler ensemble. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? Un spectacle. Et comment ça a été accueilli? Ah, très très bien. Très très bien. Est-ce que tu le reprends quelquefois, ça? Je vais le reprendre à l'automne, là, ouais. En octobre. C'est dans un lieu fermé ou... Alors, il est fait pour circuler dans la ville, parce que c'est une barque sur roulette, tu vois. Ok. Et qui circule. Et donc, elle ça, peut... c'est un accessoire que tu... Un gros accessoire. Okay. Hein, c'est un gros machin. C'est plus gros qu'une voiture. Okay. Et donc, ça se tire comme ça. C'est... Mais et après, ça s'arrête dans un champ, etc. Mais je peux le faire aussi en salle, évidemment, avec la barque immobile. Et qu'est-ce que ça te fait de jouer cette pièce-là, cette œuvre-là? Est-ce que ça te réconforte vis-à-vis la mort qui arrivera un jour, comme tout le monde? On n'y échappe pas, hein. Que tu sois premier ministre ou simple vagabond, tu penses par là? Non, moi je pense qu'il faut regarder la mort en face, c'est comme ça qu'on sait qu'on est vivant, c'est tout. Oui. Donc ça c'est simple comme acte. Par contre, moi quand je joue ce spectacle, ça me remue quand même beaucoup. Alors je me suis dit peut-être, pour te dire un peu, je me suis dit que c'était comme effectivement je devais approcher quand même quelque chose de l'ordre d'une mort possible. Quand même, peut-être que je devais traverser quand même avec toi, que du coup mon corps aussi se demandait si dans quel sens, par exemple, je devais digérer, par exemple. Ok. Si tout d'un coup il devait pas se mettre dans l'autre circuit, parce que je suis en général malade comme un chien avant de jouer. Ok. C'est le stress, c'est le. Oui, on sait ce qu'on dit, on nomme ça comme ça. Mais je me dis quand même sur ce spectacle-là spécialement, quoi. Il y a quand même un truc d'un remue-ménage intérieur assez parce fort. Parce qu'il y a une implication aussi. Et j'ai l'impression que c'est quand même cette espèce de physique que je convoque là, tu vois. Qui, dans ma tête, c'est quand même un truc qui doit se mettre dans... Il ne sait plus bien dans quel sens il tourne. C'est ce que je me suis dit. C'est en fait le yin et le yang. C'est tout est là-dedans. Et c'est ça, le remue-ménage aussi. Ça, créatif. Ouais. Et... Donc voilà, donc ça... Spécialement sur ce spectacle-là, tu vois. Est-ce qu'on dit de toi que t'es une auteure, une comédienne intellectuelle? Non. Oh, si. Les gens, de temps en temps, trouvent que j'ai des idées. Intellectuelles? Oui. Les idées ne sont pas intellectuelles, je sais pas. Oui. Moi, je pense, si tu veux, je suis obligé de penser. Mais je crois pas que je sois catégorisé intellectuel. Alors après, quand le texte déjà pour plein de gens, c'est intellectuel. Ouais, écrire, hein. Agencer les mots. Voilà, donc là, de ce point de vue-là, par exemple, dans le monde des arts de la rue, par exemple, entre le clown jongleur et moi qui vais balancer mes tentatives là de résistance, tu vois, bon bah, je suis dans le clan des intellectuels. As-tu pensé à un moment donné de prendre le médium du clown, comme tu disais? Bon, il y a un clown qui est là qui rôde. Emma? Hein? Tu parles pas d'Emma la clown? Un autre clown? Non, mais dans mon équipe, okay. Il y a une espèce de clown qui est au fond de moi. Il existe, ce clown. Okay. Mais pas de nez. Alors, il y a des personnages que j'ai faits qui sont c'est des nez en bois. Donc, c'est entre le masque et le clown. Comme en Grèce, les masques? Ah oui, mais toi, c'est un petit... c'est un facteur de masque, si tu veux, qui fait ah oui, des... des nez lèvres. Ok. Tu vois, c'est Étienne Champion. C'est très très très très doué. Et donc voilà, donc là il a, ces choses-là me plaisent bien. Est-ce qu'un accessoire, juste le fait d'avoir un accessoire va te faire écrire sur ce que tu es en train de te poser? Est-ce que le personnage arrive et les mots viennent ensorceler l'accessoire? Ah ben moi par exemple j'ai mis ce nez-là parce qu'au départ je lui avais acheté ces nez-là pour un spectacle. Okay. Puis un jour je l'ai mis sur un coup de tête, là aussi. Et après, bah oui, le personnage il est arrivé tout de suite. Hein, ouais. Mais les personnages qui arrivent, c'est souvent d'improvisation. C'est des personnages improvisés. Et là, tu dis, ah, ben oui, il y a quelque chose à faire avec. Donc, tu le reprends et tu lui donnes un texte. Oui, oui, c'est toujours. Il y a toujours un truc qui part du corps ou de ma folie intérieure, si tu veux. Est-ce que quelquefois, il y a des créations de personnages qui meurent d'eux-mêmes et qui ne reviendront pas parce que tu croyais que tu avais un fil conducteur? Et ce fil-là est si mince et si court qu'il n'y a pas grand-chose à se dire, ton personnage, tu le ramèneras pas. Tu as cru à quelque chose, mais ton personnage t'a déçu, celui que t'as... Ben après, c'est plus... Ouais, peut-être que... Après, c'est des questions, peut-être, je sais pas. Je saurais pas dire ça comme ça. Oui, dans le travail, automatiquement, tu laisses plein de choses, tu abandonnes plein de choses. CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Non son l'1%, ma credetemi esistono in gran parte spagnoli. Sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capiscano, sono gli anarchici, han raccolto già tutto d'insulti. battute, più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno chiuso nel petto un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non son l'1%, ma credetemi, esistono figli di troppo poco o di origine oscura. Non li si vede mai, che quando fan paura sono gli anarchici. Mille volte son morti, com'è indifferente, con l'amore nel pugno, per troppo, per niente, han gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non son l'1%, ma credetemi, esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare. Chi è che scende per strada non lo dimenticare, sono gli anarchici. Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia come compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia. Non son l'1%, ma credetemi, esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in loro non credi li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi, sono gli anarchici. Est-ce qu'il y a des personnages qui te surprennent, que tu as inventés, qui te surprennent? Oui, ils ont des capacités quand même parfois surprenantes. Qui te dépassent? Oui, qui me dépassent, ils me dépassent plutôt, tu vois. Ils m'emmènent sur des chemins, mais j'aime beaucoup ça. Si que tu ne croyais pas emprunter? En même temps, je leur demande quand même, au fond de moi, si tu veux, là aussi je peux m'ennuyer très très vite, tu vois. Donc il faut quand même qu'on aille loin pour que ça vaille le coup, quoi. Alors tu es une femme exigeante vis-à-vis des personnages, que tu crées toi-même? Oui. Si t'as rien à dire, ferme ta gueule, on va passer à ça. C'est ça, exactement. Oui. Es-tu une femme qui est virulente, qui peut avoir des crises de revendications violentes? Tu veux dire? Que tu peux te fâcher facilement, que tu peux virer quelqu'un, que tu peux le faire réagir en disant ce que tu fais, c'est de la merde. Il faut revoir ça autrement parce qu'on fait fausse route. Es-tu du genre dictatorial ou... quand tu vois que ça avance pas, là... Si tu veux, moi, je crois que c'est le plateau qui l'emporte. Okay. Donc, si tu veux... Le côté socialiste. Il faut un petit peu se battre, quoi. Ah, oui. Quand même. Okay. On peut pas être simplement obéissant dans ce métier, par exemple, tu vois. Donc, j'ai du mal avec ceux qui me demandent de les diriger, par exemple, et qui doivent m'obéir. Vite fait, je leur dis que c'est pas là que ça se passe. Okay. Donc, alors ils sont très très déstabilisés, donc ils tournent autour de moi comme ça, un petit peu, ils sont un peu abandonnés. Ouais. Donc j'abandonne les gens, c'est pas très drôle parfois pour eux. Spécialement dans la rue, dans l'espace, je les laisse... Errer. Oui, errer, exactement. C'est le nom de mon émission. J'ai beaucoup travaillé comme ça avec... je te donnais des petites consignes, toi, d'improvisation aux acteurs, et je leur dis, ben voilà, c'est pas compliqué, tu vas occuper un petit bout de trottoir, tu choisis toi ta place quand même. Et là maintenant, tu as comme mission, tu essayes de travailler sur attachement, attachement, détachement. Voilà, etc. Tu as un bout de ficelle, tu te débrouilles là, tu te débrouilles. Et bon, donc ils partent à l'aventure, et donc du coup, moi je rôde autour, et je regarde un peu ce qui se passe, je viens un petit peu épauler, etc. Et petit à petit, se construit un endroit, tu vois, d'imaginaire, d'image, de relations, etc. Est-ce que les gens s'arrêtent? Oui, voilà, les gens s'arrêtent. Et petit à petit, après, ils reviennent, tu vois, à ce moment-là, tout le monde revient. Moi, je prends des notes sur tout ce qui s'est passé. Un tel m'a dit ça, etc. Voilà. Et donc, et petit à petit, je construis des petits scénarios comme ça, par exemple, tu vois. Voir des textes. Ça, c'est de la matière très rapide. C'est comme une réaction au monde. Ça, c'est très, très rapide. Ça, c'est toutes mes explorations de territoire, j'appelle ça. OK. Alors, tu as défiché un discours, un langage qui était à toi. Ça, seul. Oui, ouais. Sur le trottoir, comme ça. Est-ce que tu te considères seul à travailler comme ça, ou s'il y en a d'autres qui essayent d'imiter ou de suivre ton chemin? Es-tu une des seules à défricher ça comme à ta manière, ou si, ou si c'est une école, entre guillemets? Peut-être tacite, une école qui n'est pas définie, mais une façon de fonctionner. Là, par exemple, on était sur un projet avec 7 compagnies, tu vois. Avec un diffuseur, si tu veux, Art de la Rue, toi en région parisienne, hein, qui s'appelle la coopérative 2R2C, 2 rue de Cirque. OK. Et il nous a réunis pendant 3 ans sur un projet qu'il a appelé Territoire en question. Et donc, à chaque fois, on délimitait un territoire à interroger, tu vois, chacun, sur un périmètre qu'il avait défini lui comme étant intéressant. Et nous, tu vois, on est allé un peu comme ça au nez, tu vois, on s'est promené chacun, probablement, enfin, je ne sais pas bien, pour les autres dans les compagnies. Et on a décidé de trouver des petits partenariats, si tu veux, pour être en résidence avec un lieu, un autre, mais pas des lieux dédiés à ça. Non, c'est ça. Petit à petit, on a interrogé, enfin, moi j'appelle ça un territoire. Et donc, je pense que, par exemple, ces compagnies-là, si tu veux, on a des méthodologies très différentes, mais il y a quand même des points communs, tu vois. Alors moi, je ritualise beaucoup plus l'espace public que d'autres personnes. D'autres vont être vraiment sur de l'impro pur, d'autres vont être sur la récolte de matériaux pour faire une expo le long d'une grille. Les autres vont être sur la danse uniquement, tu vois, le corps danser avec le corps du passant. Bon. Mais c'est quand même des façons d'approche, tu vois, qui... On appartient à une même famille, peut-être, tu vois. Est-ce que ton travail... à long terme, modifie un peu les idées préconçues du public? Ah oui, je pense, oui. Oui? Oui. Est-ce qu'il te surprend souvent? Est-ce que le public te surprend? Dans tous les sens du terme, hein? Aussi d'une manière positive que négative? Autant d'une manière positive? Le public, dans sa globalité, pas forcément, si tu veux. Chaque personne, oui. Ouais. Il faut prendre des personnes... Je continue d'être fasciné par les gens, par qui ils sont. C'est complètement... C'est énorme, quoi. Donc ça, si tu veux, oui, chaque individu est un film en soi. Oui, c'est énorme pour moi. Donc voilà, ça c'est une fascination qui reste et qui... Et crois-tu que plusieurs personnes passent à côté de ça, de la singularité de l'être? Parce qu'on essaie tellement... de ressembler à tout le monde, parce que c'est plus réconfortant oui. d'aimer Céline Dion que d'aimer Pierre Perret, exemple. Oui, c'est le besoin de, je sais pas, d'idole, d'être rassuré, tu sais. Bon. Par contre, après, il y a le besoin d'amour derrière, etc., qui est quand même plus complexe. Et bon. Donc, si tu veux, c'est... Oui, il y a plein de gens qui mais ils savent pas se débrouiller, ils n'ont pas le langage pour ça, tu vois. Ils sont esclaves sans le savoir. Mais oui, c'est ça, c'est un petit peu ça qui est troublant, tu vois. Alors par contre, dans mes méthodologies, par rapport à ce que tu demandais tout à l'heure, c'est vrai que des choses que je faisais il y a 10 ans, par exemple, qui étaient essentiellement des interviews, si tu veux, à partir de là, j'écrivais, je fais plus ça comme ça maintenant. Okay. Et il y a des gens maintenant qui font ça, ça s'est beaucoup développé. Bah, tu vois, les gens alors, tu as créé un style sans voilà. créer. Alors que maintenant, j'interviens moi vraiment en direct dans la rue. Je dis à tout le monde que ça ne sert plus à rien de faire les ateliers de théâtre, que ces choses-là, c'est derrière nous déjà. Elles ne comprennent pas. Mais voilà, donc peut-être que dans 10 ans, les gens sont tous dehors en train de je ne sais pas quoi faire. C'est des petits laboratoires urbains. Est-ce que tu utilises souvent l'humour? Est-ce que tu rigoles ou tu fais ça d'une manière un peu plus... Non, je rigole beaucoup. OK. Alors, ça libère une soupape, là. Oui. En rigolant. Ben, elle n'est pas tout à fait cinglée, quand même. Elle se voit fonctionner. Oui, je rigole beaucoup. Ouais. J'ai 10 questions de la fin, et avec toi, je crois qu'on va s'amuser. Si tu étais un liquide... Je serais de l'alcool, je pense. Alcool fort ou... Oui, fort. L'alcool fort. L'alcool. Bon, mes alcools... J'ai 2 alcools que j'aime beaucoup. La vodka ou le calva. Après quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Je ne sais pas, je ne veux pas boire de l'alcool tout le temps parce que sans ça, ma tête exploserait, je pense. Mais Oh, je bois. Moi, je suis un peu noctambule, tu vois. Donc, j'aime le jour, j'aime la nuit. Donc, okay. En tout temps. Ouais. En tout temps. Ouais. Si tu étais en déjeunant. Un quoi? En déjeunant, non. Un petit coup en déjeunant, non. Si tu étais. Non, mais ça fait bien passer le mai, ça dit jamais. Si tu étais une ville. J'aime ma ville, j'aime Paris, moi. Donc là, tu m'obliges à me détacher. Non, mais quel arrondissement? Pendant 3 secondes, tu es obligé de me détacher de ma ville. Oui. Non, j'aime les très grandes villes, les capitales. Ok, mais quel arrondissement ici à Paris que tu préfères? Je ne saurais pas dire, si tu veux. J'aime pas là où ça devient trop à la mode. Moi, voilà. C'est, okay. Donc là, tout de suite, je déloge le truc. Je veux aller juste à côté. Ok. Une langue de vipère. On me l'a dit, c'est bien. Si tu étais une époque. Je crois que ce serait le Moyen Âge. Pourquoi? Il y avait beaucoup de fous. Ouais, c'est ça. Mais le fou du roi, par exemple, c'est un truc qui me plaît énormément, moi, ça. Mais plus il y a de fous, plus on rit. Donc, voilà, donc, si tu veux, c'est les grands rassemblements, justement, où le rituel et le païen étaient reliés. Moi, ça, pour moi, c'est le top. Très épicurien, voilà. Ouais. Si tu étais un mot. Putain. Ça me venait. Elles sont importantes quand même dans notre société depuis longtemps. On est tout prêt. Oui, mais du coup, tu vois, ça stigmatise les représentations classiques. Donc. Comment ça? Bah, tu sais, il y a mère ou putain, toi. Ah ouais. Donc là, du coup, je peux pas me situer sur ce machin-là. Ok. Vache. Vache à lait. Il y a des gens qui disent vache à lait. Si tu étais un aliment. Moi, je suis une femme de fromage. Ouais, fromage. De chèvre? De vache? On a parlé de vache? Ouais, je suis plutôt vache. Plutôt vache. Je suis vache partout. T'as compris, là. Si tu étais une saison. L'inconscient, il est fort. Je crois que c'est l'été, ouais. Tu aimes avoir chaud? Parce que ça exulte un peu, voilà. Ouais. Ouais. Comme disait Brel, il faut que le corps exulte. Ouais, voilà. Et que quand même, voilà, il y a quelque chose qui est plus jouissif l'été. Ouais. Écoutes-tu beaucoup de musique? Non, très peu. Non? Parce qu'il faut l'écouter. Étant jeune, est-ce que tes parents, toi? Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut l'écouter, c'est ça le problème. Hein. Et il faut avoir le temps d'écouter. Okay. Alors j'adore, moi je vais voir du live, c'est tout. Mais qui tu écoutais avant? Alors dans mon enfance, moi c'est tous les chanteurs, tu sais, les chanteurs à texte et la musique classique. Ok. Et ma mère m'a gavé d'oratorio. Ok, oh! Alors Mozart était pas loin, l'oratorio, parce que Mozart en a fait beaucoup. Si tu étais un membre corporel. Oui. Un membre ou une partie du corps? Parce que. Un membre. On dit que les hommes ont 5 membres et que les femmes en ont 4. Ouais. Celui qui manque. Voilà. Ok. Si tu étais un moment de la journée, pourquoi tu voudrais avoir un phallus? Je trouve ça joyeux. Moi, je trouve que c'est un membre très joyeux, c'est ça que je trouve. Et dans quel sens joyeux? Joyeux. qui est agité, par exemple. Je trouve ça très... Mais pas tout le temps. Non, mais... Joyeux, naïf. Ah oui. Je trouve ça très beau. Et c'est ce qui me touche le plus. Joyeux, naïf. Donc, c'est ça qui me... Ouais, qui me fascine, si tu veux, du coup. Et c'est, je trouve ça, oui, joyeux. De ce point de vue, c'est pas du tout que moi je pense que je manque de phallus. Non, pas du non, tout, non, non, pas non. Du tout ça. Mais je trouve ça joyeux. Si tu étais un moment de la journée. La nuit. Puis c'est plus tranquille pour créer, tout ça. Oui, pour tout. Et puis c'est aussi là où tu es... Libéré. Tu peux re-rêver, tu n'es pas dans un re-rêver. Cadre social. Re-rêver, donc tu rêves et tu peux rêver à nouveau. Oui, et puis tu te... J'adore la nuit. Mm. C'est plus frais aussi, l'été. Oui, comme c'est l'été. Là. Si tu étais un autre individu. Un autre, oh là là. Ça c'est compliqué parce que si tu veux, je suis à multi-tête dans ces cas-là. Je suis multi-tête. Je sais pas. Aujourd'hui, multi-tête, mais tu fonctionnes. Donc, une autre personne, qu'est-ce que tu m'as dit? Un autre individu. Je pense à un homme, c'est sûr, ça. Pourquoi? Un grand homme. Ok. Le général de Gaulle? Voilà, par exemple, de Gaulle, ce type de... Je me dis, la capacité, la pensée de cet homme-là, tu vois, pas de Gaulle pour de Gaulle, mais ce, tu veux le la trajectoire, une pensée qui une espèce de vigilance, une espèce de chose du moment, tu vois, où il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Toi, la marge d'erreur est très petite, et où en même temps, c'est à travers toi que ça va se faire. Ça, je trouve ça assez magique. C'est fort. Ouais. C'est très fort. Donc, c'est, tu vois, entre, tu fais un mix de Che Guevara, De Gaulle, Mitterrand, non? Churchill. Churchill, ah oui, oui. Tu te dis, je serai alcoolique comme Churchill, stratégique comme De Gaulle. Et puis un peu de Charlie Chaplin au milieu. Ah oui, bah oui. Et là, tu te dis, ok, là, ça vaut le coup de vivre. De changer de place. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je crois qu'on n'a pas le choix, de ce point de vue-là. Je crois que le sillon qui est creusé, il se fait... moi, j'ai l'impression de choisir tous les moments de ma vie parce que je suis mégalomaniaque. Mais sans ça, non, je pense que ça doit se faire. Est-ce que tu as beaucoup de projets en vue? C'est une femme qui jamais ne s'arrête. Jamais. C'est le problème. C'est fatigant? C'est fatigant. J'essaye de calmer, mais je ne sais pas faire. On se dit souvent, lorsque je serai plus âgé, je m'arrêterai. Mais toi, est-ce que c'est la... Es-tu aussi fougueuse qu'au début? Je pense. Je pense que ça n'a pas bougé. D'ailleurs, j'ai des amis d'enfance, tu vois, qui me disent, je leur dis, oh là là, tu sais, là, je suis fatigué de mon année, là, je vais me reposer, puis l'année prochaine, je vais... Et tout le monde me dit, mais t'es sûr? Eh bien, ou tu sais, tu m'as déjà dit ça par rideau. Bon, donc, juste un gros coup sur la gueule pour s'arrêter. En fait, il faudrait que... la société se porte mieux pour que tu... Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait me kidnapper. Je comprends pas pourquoi on m'a pas kidnappé. Ok. Pour m'emmener... Pour tes idées politiques? Non, mais pour me mettre au calme. Ok. Ok, t'es proche. Kidnappez-moi. Attachez-moi. Mettez-moi. Amenez-moi en Normandie. Voilà, exactement. Avec mes vaches. Voilà. Je pense que c'est des choses comme ça. Je comprends pas bien pourquoi on se dit que ça ne se fait pas, ces choses-là. Et le message que tu veux projeter dans les années qui viennent, tu le sais pas, ou tu as déjà une petite idée de vers quoi tu tends? Qu'est-ce qui te déçoit aujourd'hui de la société dans laquelle tu vis? Moi, je dis aux gens qu'il faut qu'ils restent vivants. Comment on reste vivant? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais comment on reste vivant? Revivre à échelle humaine, si tu veux. J'ai pas de solution, de vraie solution. Hein. Je suis tout le temps en train d'agiter les choses, mais je peux pas dire aux gens que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est pas possible. Je peux juste leur dire d'être sur une vigilance de leur être vivant à eux, et qu'il y ait quelque chose qui se tisse pour eux, qu'il y ait un endroit du monde qu'ils arrivent à construire avec d'autres personnes dans quelque chose de joyeux.

Merci écoute, à souhaiter de te voir dans l'action l'année prochaine parce que je prendrai un créneau à moment avec mon magnéto pour aller capter ce que tu fais. Dans le 14e peut-être, parce que tu es aimé là-bas, grâce à la mairesse qui elle. Encourage ce genre de façon de voir le monde et tant mieux. Puis on se souhaite un bel été et tu seras diffusé à CKRL avec beaucoup de plaisir. Merci. Bye. Well, some people try to pick up girls and get called assholes. Never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Picasso never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.